Épilogue. De la musique. Last Shadow Puppets, The Strokes, Gutter Twins, War on Drugs. Servaz ne connaissait aucun de ces groupes. Le rock indé était une langue étrangère en ce qu'il concernait, comme le rock tout court du reste. Mais les images qui défilaient sur l'écran lui étaient familières. Vincent levant son verre au milieu des collègues pendant un pot au commissariat. Vincent, en compagnie de Flavien et de Mégane, tout petits, sur une plage, construisant le plus extraordinaire des châteaux de sable. Vincent, seul, souriant à l'objectif et sans doute à Charlène, devant les maisons bleues de Jodhpur. Vincent et les enfants, encore. Vincent et Charlène. La salle du crématorium de Cornebarieux, le seul de l'agglomération toulousaine, pouvait accueillir officiellement 300 personnes. Mais il aurait juré qu'il y en avait bien 100 de plus. Des proches, des amis et 90% de flics. Des flics venus de tous les services de la ville, de toutes les unités. Même les anciens du commissariat, ceux qui avaient raillé Vincent au début pour ses manières efféminées, étaient présents. Et aussi le maire et la préfète, sanglés dans son uniforme. Michel Saint-Amond n'en attirait pas moins les regards. Servaz avait croisé le sien en entrant, et elle lui avait adressé un petit signe, un discret geste de connivence, presque intime, qui l'avait surpris. L'autre personne au centre de l'attention était Charlène. Elle avait un mouchoir roulé en boule dans la main et les yeux humides. Flavien, son filleul, et Mégane entouraient leur mère. Il avait noté que, chaque fois qu'il jetait un coup d'œil dans leur direction, il détournait le regard. Celui que Charlène avait braqué sur lui, en revanche, était de glace, et son estomac s'était retourné. Assis au bout de la rangée à côté de Samira, il ne pouvait s'empêcher d'observer les réactions des autres personnes présentes. Tristesse, colère, peur. Être flic désormais, c'était se sentir menacé, en danger. Être exposé à une violence irrationnelle. Et pour certains flics, répondre à ces agressions répétées par une violence tout aussi démesurée. Un cercle vicieux. Une spirale. Ses pensées se bousculaient, peut-être trop, peut-être négatives. Et peut-être était-ce dû aux antalgiques qu'il continuait de prendre s'il se sentait aussi vaseux. Il avait été opéré du pouce la veille. Le chirurgien lui avait dit qu'il avait eu de la chance, qu'il était passé à un doigt de l'amputation. Ce que le toubib ignorait, c'est qu'on l'avait amputé d'une partie bien plus importante de lui-même. On l'avait amputé de son meilleur ami et du meilleur élément que son groupe ait connu avec Samira. On l'avait amputé de tout un pan de sa vie. Il réalisa que depuis que l'affaire était résolue, le dossier clos, depuis que son esprit n'était plus aussi accaparé par les détails de l'enquête, il ne se passait pas un matin sans qu'au réveil, il eut une pensée pour Vincent. Et pourtant la vie continuait. Car la vie continue toujours, n'est-ce pas? Elle continuerait d'eux-mêmes quand il ne serait plus là pour ceux qui l'avaient côtoyé. Il ne reconnut pas plus Scott Walker chantant « Where Does Brown Begin » qu'il n'avait reconnu les chansons précédentes, mais l'infinie mélancolie du morceau tira pas mal de larmes autour de lui. Et quand s'élevèrent les accents mélodramatiques d'un quartet à cordes jouant le Mishima Closing de Philip Glass, tout le monde avait la gorge suffisamment nouée, et l'espace d'une seconde, il dut fermer très fort les yeux pour empêcher les larmes de sortir. Charlène eut un mouvement de recul quand il voulut la prendre dans ses bras, comme si elle avait peur qu'il morde, comme s'il était contagieux. Au lieu de l'accolade prévue, il lui serra la main trop brièvement, trop sèchement. Flavien accepta qu'il le presse contre lui. Mégane refusa en regardant ailleurs. Qu'est-ce qu'il s'était dit? Que c'était sa faute si Vincent était mort? Une fois les condoléances terminées, une grande partie de l'assistance quitta le bâtiment pour rejoindre les voitures sur le parking. D'autres, moins nombreux, suivirent la famille pour assister à l'incinération. Il allait pénétrer à son tour dans la pièce de l'incinérateur quand Charlène fit volte-face. « Je préfère que tu ne viennes pas, » dit-elle. Va-t'en d'ici, Martin, s'il te plaît. » Ce que son visage avait de beau et de triste avait disparu pour faire place à un masque d'une froideur telle qu'il en eut le souffle coupé. Il gagna la sortie l'esprit vide, s'empressa d'allumer une cigarette. Sa main tremblait. Il sentit le choc le frapper à retardement. C'était terminé. Il allait arrêter ce métier. C'était fini. Il comprenait la réaction de Charlène, bien sûr. S'il n'avait pas laissé son mari seul à Paris, peut-être serait-il toujours vivant. Est-ce que la comprendre l'aidait en quelque façon? Absolument pas. Il aurait aimé que Léa soit là, avec lui. Il tourna la tête en entendant le bruit, contempla l'Airbus A320 qui s'élevait lentement. Les pistes de l'aéroport étaient à moins d'un kilomètre. Il se dit qu'après tout, s'il y avait des riverains que ça ne devait pas déranger, c'était bien ceux qui reposaient ici, car le crématorium de Cornebarieux se dressait au milieu du cimetière. Samira l'attendait dans la voiture. Il vit à ses yeux rouges qu'elle avait profité d'être seule pour pleurer. Il se dirigeait vers la portière côté passager quand un message tinta dans son téléphone, un SMS. Une photo de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle avec un tableau d'affichage des horaires de départ, dont celui d'un vol Charles-de-Gaulle-Toulouse. Un SMS de Léa. Dans quelques heures, elle atterrirait sur ces mêmes pistes, d'où il voyait décoller les avions. Il sourit. Puis l'inquiétude revint. Pourquoi rentrait-elle? Qu'allait-elle lui annoncer? Que s'était-il passé là-bas en Afrique, pendant ces deux années? Il reçut l'appel alors qu'il récupérait son véhicule dans le parking du commissariat. Numéro inconnu, indicatif 31, les Pays-Bas. Il fut tout de suite en éveil. Commandant Servaz? C'est moi. La voix était celle d'un homme encore jeune, surtout elle avait un léger accent, hollandais ou allemand. Je m'appelle Gerrit Notbaum. Je suis officier de liaison Europol à La Haye. Europol. Il attendit la suite. Il avait l'impression de savoir ce qu'on allait lui annoncer. Il guettait cette nouvelle depuis des années. Il avait toujours su qu'elle arriverait un jour. C'est vous qui avez permis l'arrestation de Julian Hirtmann, n'est-ce pas? C'est moi qui l'ai arrêté, corrigea-t-il. Il s'est évadé. Quoi? Il coupa le moteur, regarda droit devant lui à travers le pare-brise, la respiration coupée. Il y a 3 jours, de la prison de Leuben, il s'est plaint de douleurs thoraciques. Selon la police autrichienne, il a été transféré sous bonne escorte à l'hôpital, mais il semble que leur service ait quelque peu sous-estimé le bonhomme. Il n'y avait qu'un seul garde devant la porte de sa chambre, que des complices ont neutralisé apparemment. Vous voulez dire qu'il est dans la nature? Dans la nature? Je ne comprends pas. Laissez tomber. 3 jours? Il peut être n'importe où. Pourquoi on ne m'avertit que maintenant? J'ai trouvé votre nom et votre numéro au fond de son dossier. Personne à prévenir en cas d'urgence. Et je n'ai reçu le dossier qu'hier soir. Visiblement, personne n'a jugé bon de le faire avant moi. Hirtmann en liberté. Pourquoi n'était-il pas surpris? Il remercia le flic néerlandais, chercha fébrilement dans son répertoire le numéro de Radomil, le cœur battant à tout rompre. Le répondeur. Merde! Il fit crier ses pneus sur le revêtement du parking en s'éjectant de sa place, fonça à toute vitesse vers la sortie. Sirène, gyrophare. Poussez-vous, bordel! Ça urgeait, putain! Il zigzaguait entre les voitures. À droite, à gauche, un camion de livraison sur la voie des bus. Le type avait ouvert sa portière, bloquant presque 2 fils à lui tout seul. Il la referma, fissa, se plaqua contre la carrosserie en voyant la voiture de police arriver sur lui, sirène hurlante. Avenue Honoré Serre, boulevard d'Arcole, boulevard de Strasbourg, rue du Rempart Matabieu, place Victor Hugo. Il se gara le long du trottoir, au pied de l'immeuble, coupa la sirène. Bondit comme un fou hors de la voiture. Il lança un regard vers le ciel sombre, vit un énorme éclair le fendre avec un roulement de canonnade. L'image resta imprimée sur sa rétine. Il essaya de la chasser en clignant des yeux, mais cette fracture rémanente et blanche traversait tout ce qu'il regardait. Pendant que la cabine grillagée de l'ascenseur se hissait dans les étages, il refit le numéro de Radomil. « Martin ?»« Gustave est avec toi ?» s'écria-t-il. « Oui, il joue avec Anastasia, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?»« Bougez pas, j'arrive !» Radomil lui ouvrit la porte, les yeux agrandis d'inquiétude. Avec sa barbe bouclée et ses cheveux longs, le grand musicien bulgare, premier violon à l'Orchestre national du Capitole, était l'image même de l'artiste bohème et romantique. Il avait un certain charme tzigane avec ses sourcils charbonneux et sa voix de rogom teintée d'accent d'Europe centrale. « Martin, qu'est-ce qu'il y a ?» Servaz le lui dit. Radomil blêmit. Il était depuis longtemps au fait des exploits de son voisin. Non pas que Servaz s'étendît facilement sur le sujet, mais la curiosité aidant, Radomil avait épluché sur Internet tous les articles où Martin apparaissait et toutes les affaires auxquelles il avait été mêlé. Il y en avait un paquet. Et parmi toutes celles qui avaient fait l'objet d'articles dans la presse, la plus célèbre était sans nul doute celle qui concernait le tueur en série suisse, Julian Hirtmann. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Demander une protection, » répondit Servaz. « Et éviter de vous mêler à ça, Anastasia et toi. Je vais prendre quelques jours de congé. » Debout sur le balcon, il inspectait la rue. On aurait dit le calme avant la tempête. La ville était étonnamment silencieuse pour un soir de juin. Peut-être parce que la plupart des étudiants étaient rentrés dans leur famille et ne reviendraient qu'à la rentrée. La patrouille n'était toujours pas là. Hervelin lui avait promis qu'elle serait là pour la nuit. Certes, la nuit n'était pas encore tout à fait tombée. Mais le divisionnaire lui avait fait cette promesse 3 heures plus tôt. Il termina sa cigarette, revint dans le salon. À l'intérieur aussi, la soirée était paisible. Gustave était couché. On n'entendait même pas le violon de Radomil. Il monta le son de la 5e de Mahler, prit un livre sur un rayonnage. René Girard, La violence et le sacré. Consulta son téléphone. Il avait envoyé plusieurs messages via WhatsApp à Léa, sans lui parler d'Hirtmann. Il ne voulait pas l'affoler, mais elle n'avait pas répondu. Il avait pourtant constaté au double croche que les messages lui étaient parvenus, mais elle ne les avait pas lus. Il se dit qu'elle voulait lui faire la surprise, qu'elle allait sonner à sa porte sans crier gare. Il regarda l'heure. 21h37. Il sentait les battements de plus en plus lourds de son cœur. Où était Hirtmann ? En train de rôder pas loin, comme un fauve qui retourne sur son territoire, ou au contraire très loin d'ici ? La première possibilité était la plus effrayante, mais aussi, malheureusement, la plus probable pour celui qui connaissait le Suisse mieux que personne. Il considéra le pistolet posé sur le guéridon dans le halo de la lampe, le prit, le glissa tout en bas de la bibliothèque derrière le canapé. Il lui faudrait songer à le planquer mieux que ça quand Léa serait là, et surtout quand Gustave serait réveillé. 21h40. Il essayait de lire, mais ses yeux glissaient sur les mots imprimés sans rien enregistrer. Le timbre de la sonnette. Il sursauta. Fixa la porte de l'appartement. Il arrêta la musique, prêta l'oreille, mais ne perçut que le silence sur le palier, de l'autre côté de la porte. La cadence de ses battements se fit plus véhémente. Se penchant derrière le canapé, il tendit le bras et attrapa l'arme, fit monter une cartouche dans la chambre, respira profondément, puis il se leva et gagna la porte, l'arme au poing. Écouta. Pas un bruit. Il tira le verrou, ouvrit. « Bonsoir, Martin. » « Coupez !»